La cité antique, livre audio gratuit, étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et de Rome, ouvrage de sciences humaines de Numa de Nice, Fustel de Coulanges, lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org.